une atténuation de son astralité et il vit une atténuation de sa mentalité, de sa mentation normale, naturelle, celle qu'il avait pendant qu'il était inconscient. Et ça, ça crée l'ennui mental. Et l'ennui mental, c'est plate parce que l'ennui mental n'est jamais remplacé par autre chose. C'est pas comme le corps astral. Si le corps astral est contrôlé par le double, ensuite il y aura d'autres choses. Vous allez manger, vous allez marcher, il va se produire une autre activité éventuellement. Mais on s'aperçoit à ce moment-là que l'ennui mental est beaucoup plus pénible que la rétention de l'activité astrale. Parce que l'ennui mental, c'est cette expérience chez l'homme, dans son mental, qui l'empêche d'apprécier la vie. Parce que c'est par le mental que l'homme apprécie la vie. C'est par l'astral qu'il vit la vie, mais c'est par le mental qu'il apprécie la vie. Donc, tu arrives à un homme qui est suffisamment avancé dans la transmutation des corps, tu lui dis, bon, mais Jean-Paul, je vais te donner, pour te, là, c'est l'exemple que je vous donne, je vais te donner 25 000 $ pour te lever le moral. Jean-Paul va te dire, je veux rien savoir, j'en veux pas d'argent. Okay? Autrement dit, le 25 000 $ est pas suffisant pour redonner à Jean-Paul l'activité mentale. Donc, le corps astral, lui, il réagira pas. Parce qu'il y a une liaison entre le corps astral et le corps mental. Il y a toujours une liaison, il y en a toujours eu, d'ailleurs, c'est la fondation de l'inconscience humaine. C'est quand on arrive dans la conscience que le corps mental et le corps astral sont séparés.